Bonjour à tous, c'est Gabriel pour LLB, Lire la Bible, un morceau du ministère Cœur d'encre où on essaie du mieux qu'on peut de répandre la bonne nouvelle, la parole. Et à LLB, on le fait en lisant la Bible. On a l'intention, le défi aussi de lire la Bible en un an. On est à la 117e journée, donc c'est le 27 avril. Désolé pour l'heure tardive à laquelle cette publication est en ligne. On a eu un peu de difficultés techniques, mais bon, mieux vaut tard que jamais, nous y sommes. Alors, aujourd'hui, le 27 avril, nous lisons Juges 7, 1 jusqu'à 8, 21. Et ensuite, on continuera Proverbe, Psaume, et on est dans Luc pour la portion du Nouveau Testament. Juges 7. Tôt le matin, Gédéon, dit Yérubaal, se mit en route avec ses troupes et ils allèrent camper près de la source de Harod. Le camp madianite se trouvait plus au nord dans la plaine, du côté de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes. Que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent et il en resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon, « Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne le doit pas. » Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent. Puis le Seigneur lui dit, « Ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouillent pour boire. » Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et la laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, « Avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres, qu'ils retournent tous chez eux. » Gédéon retint avec lui les 300 hommes et renvoya les autres Israélites chez eux, mais l'on garda les provisions et les trompettes départant. Le camp des Madianites se trouvait plus bas dans la plaine. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Debout! Descends attaquer le camp Madianite, car je te le livre. Si tu as peur de l'attaquer, descends-y d'abord avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas, et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. » Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la plaine, en aussi grand nombre que de sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. « J'ai fait un rêve, lui disait-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sans dessus-dessous. » Son camarade répondit, « Cela ne peut représenter que l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joach. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. » Quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu. Puis il retourna au camp israélite et cria, « Debout! Le Seigneur vous a livré le camp madianite. » Gédéon divisa les 300 hommes en trois groupes. Il remit à chaque homme une trompette, une cruche vide et une torche à placer dans la cruche. Ensuite, il leur donna cet ordre. « Vous regarderez de mon côté et vous agirez exactement comme moi dès que je serai arrivé à la limite du camp. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que les hommes qui m'accompagnent, vous sonnerez également de la trompette tout autour du camp et vous crierez « Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. On venait de remplacer les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils portaient. Les deux autres groupes en firent autant. Ils saisirent tous les torches de la main gauche et les trompettes de la main droite, et ils crièrent « À l'assaut, pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ils se tenaient autour du camp, chacun à sa place. Mais dans le camp, tout le monde se mit à courir, à crier, à prendre la fuite. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entretuer les Madianites dans tout le camp. Finalement, ceux qui restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, en direction de Séréda, et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola, près de Tabar. On fit appeler les Israélites des tribus de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils vinrent poursuivre les Madianites. Gédéon envoya des messagers proclamés dans la région montagneuse d'Éphraïm. Descendez tous bloquer le passage aux Madianites en occupant les guets le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. On appela donc les hommes d'Éphraïm qui descendirent occuper les guets le long du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent les deux chefs madianites, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et Zeb, au pressoir de Zeb. Ils continuèrent ensuite à poursuivre les Madianites. Ils apportèrent à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain, les têtes d'Horeb et de Zeb. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi nous as-tu traités de la sorte? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort lorsque tu es allé combattre les Midianites? » Et ils s'en prirent violemment à lui. Mais Gédéon leur répondit, « Que représentent mes exploits en comparaison du vôtre? Votre intervention, gens d'Éphraïm, même limitée, n'a-t-elle pas plus de valeur que les succès obtenus par mon propre clan, le clan d'Abiézer? C'est à vous que Dieu a livré le chef madianite, Horeb et Zeb. Je n'ai rien réussi de comparable. » Cette réponse de Gédéon calma la colère des Éphraïmites. Gédéon et ses 300 hommes atteignirent le Jourdain et le traversèrent. Ils étaient épuisés, mais continuèrent à poursuivre leurs ennemis. Ils arrivèrent à la ville de Soukot et Gédéon dit aux habitants, « Distribuez des galettes de pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont épuisés. Je suis à la poursuite des rois madianites Zeba et Salmouna. » Les chefs de la ville lui répondirent, « Pourquoi devrions-nous donner à manger à ta troupe? Tiens-tu déjà Zeba et Salmouna en ton pouvoir? » « Eh bien, riposta Gédéon, quand le Seigneur m'aura livré Zeba et Salmouna, je vous déchirerai la peau avec des épines et des chardons du désert. » De là, Gédéon se rendit à Pénouël et il présenta la même demande aux habitants. Ceux-ci lui répondirent de la même manière que les gens de Soukot. Gédéon leur déclara, « Quand je reviendrai après ma victoire, je démolirai la tour de votre ville. » Zeba et Salmouna étaient à Karkor avec leurs troupes qui ne comptaient plus que 15 000 hommes. C'était tout ce qui restait de l'armée des nomades de l'Orient, car 120 000 soldats avaient été tués. Gédéon prit la route que suivaient les nomades à l'est de Noba et de Yogboa, et il attaqua le camp ennemi qui se croyait en sécurité. Les deux rois madianites de Zeba et Salmouna s'enfuirent, mais il les poursuivit. Il les captura et sema la panique dans toutes leurs troupes. En revenant de la bataille par la montagne de Hérès, Gédéon captura un jeune homme de Soukot et l'interrogea. Celui-ci lui donna par écrit les noms des chefs des anciens de la ville, en tout 77 hommes. Gédéon alla ensuite trouver les habitants de Soukot et leur déclara « Rappelez-vous comment vous m'avez insulté en disant « Pourquoi devrions-nous donner à manger à tes hommes épuisés? Tiens-tu déjà Zeba et Salmouna en ton pouvoir? Eh bien, je vous amène Zeba et Salmouna. » Il prit des épines et des chardons du désert avec lesquels il donna une bonne leçon aux anciens de Soukot. Il démolit aussi la tour de Pénouël et tua les habitants de la ville. Gédéon demanda ensuite à Zeba et Salmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » « Ils te ressemblaient, répondirent-ils. Chacun d'eux avait l'air d'un fils de roi. » « C'étaient mes frères, les fils de ma propre mère, s'écria Gédéon. Par le Seigneur vivant, je jure que si vous ne les aviez pas tués, je ne vous tuerais pas non plus. » Il ordonna alors à Yéter, son fils aîné, « Vas-y, tue-les. » Mais le jeune garçon n'osa pas tirer son épée. Il était encore jeune et il avait peur. Zeba et Salmouna dirent à Gédéon, « Tue-nous donc toi-même, car c'est à un homme véritable de le faire. » Gédéon tua les deux rois et prit les ornements qui pendaient au cou de leur chameau. Psaume 94. Dieu vengeur, Seigneur, ô Dieu vengeur, manifeste-toi. Juge du monde, oppose-toi aux arrogants. Fais retomber sur eux le mal qu'ils ont commis. Seigneur, jusqu'à quand les méchants seront-ils à la fête? Oui, jusqu'à quand? Ils profèrent des grossièretés et insolences. Ils font les fanfarons. Tous ces gens qui causent le malheur des autres. Ils oppriment ton peuple, Seigneur. Ils maltraitent ceux qui t'appartiennent. Ils tuent froidement la veuve et l'immigré. Ils assassinent les orphelins. Et ils ajoutent, « Le Seigneur ne voit rien, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. » Attention, gens les plus bêtes du monde. Idiots, quand vous mettrez-vous à réfléchir? Le Seigneur qui a planté l'oreille de l'homme, est-il incapable d'entendre? Lui qui a façonné l'œil, est-il incapable de voir? Lui qui corrige les nations, est-il capable de punir? Lui qui apprend aux humains à comprendre. Lui, le Seigneur, connaît les projets des humains. Ce n'est que du vent, il le sait bien. Seigneur, heureux celui que tu corriges et que tu éduques par ta loi. Il peut rester calme au jour du malheur, tandis qu'un piège se creuse pour les méchants. Non, le Seigneur ne rejette pas son peuple, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Oui, il y aura de nouveau une justice et tous les hommes au cœur droit l'approuveront. Ah, comme j'aimerais avoir un défenseur contre ces gens malfaisants. Un avocat contre ces fauteurs de malheur. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays en silence. Chaque fois que j'ai dit « je ne tiens plus debout », ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. As-tu quelque chose de commun avec ces juges criminels qui créent la misère au mépris des lois? Ils s'en prennent aux honnêtes gens, ils condamnent l'innocent. Mais le Seigneur a été ma forteresse, mon Dieu, le rocher où j'ai trouvé refuge. Il a fait retomber sur eux leurs crimes. Il s'est servi de leur propre méchanceté pour les réduire à rien, lui, le Seigneur, notre Dieu. Nous continuons la lecture dans les Proverbes, chapitre 13, versets 17 et 18. Un mauvais messager est cause de malheur. Un envoyé fidèle rétablit les situations. Celui qui refuse d'être éduqué sera pauvre et méprisé, mais qui tient compte des critiques sera honoré. Juste avant de commencer le Nouveau Testament, j'aimerais préciser que je lis aujourd'hui dans la version français courant. Alors, Luc 7, 11 à 35. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Nain. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous » et aussi « Dieu est venu secourir son peuple ». Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela deux d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent « Jean-Baptiste nous a envoyé pour te demander « Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple les collecteurs d'impôts l'ont écouté. Ils ont reconnu que Dieu est juste et ils se sont fait baptiser par Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont rejeté ce que Dieu voulait pour eux et ont refusé de se faire baptiser par Jean. Jésus dit encore, « À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? À qui ressemble-t-il? Ils ressemblent à des enfants assis sur une place publique dont les uns crient aux autres. Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin. Et vous dites, il est possédé d'un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et boit. Et vous dites, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Oui Seigneur, merci d'être venu sur terre. Merci parce que tu n'es pas venu dans de grands habits, dans les palais des rois, dans les châteaux puis dans les endroits luxueux. Tu es plutôt venu pour sauver les malades. Tu étais avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation. Et tu dis que c'est pour eux que tu es venu. L'hôpital n'est pas pour les gens en santé, mais pour les gens qui souffrent, qui ont besoin. Seigneur, on veut t'implorer pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui, qui ont la tête entre les mains peut-être, ou qui vivent des maladies chroniques ou des maladies graves. Et je te prie, Seigneur, que tu sois leur refuge, que tu sois leur consolation, que tu viennes les soutenir dans l'épreuve qu'ils vivent. Et donne-leur l'espoir, Seigneur, que tu es là, que tu écoutes, que tu nous portes sur ton dos même, et qu'avec toi, on a l'assurance d'avoir la victoire contre la mort. Amen.